yeux noirs creusés de cernes par dans les ténèbres rassurantes, une pièce obscure parmi mille autres me surplombant, perdu dans une ville sans importance, ma recherche de l'innocence prend une forme de dépendance, et la nature de mon sommeil, l'allure d'une mort cérébrale. Le cœur qui ne croit plus en rien dégoûte mes yeux, devant l'ordre ils ne sont plus sensibles qu'au chaos, et le voir en toute chose, c'est l'entropie qui me gagne, en moi le chaos qui grandit, l'homéostasie qui s'épuise, le modèle qui se brise. Face au cancer rongeant mon être, je m'attarde de mourir en vue de renaître. Des potions dissolvant ma personne sur le mal qui en moi s'ordonne. Je cherche un royaume plus concret que le vôtre, où mes restes déposés se réaliseront les notes. J'irai imprégner l'inerte de ce que je trouve beau. J'attends un soleil levant, puis le spectacle des grondements. Le bas-ventre comme un second cœur, tirant sa puissance de l'énigme du néant, engendrant la chaleur. Je sens s'emplir mon cœur.